Le flipper. Fer de lance de la mécanisation pompidolienne appliquée au mercantilisme ludique, le flipper, ou billard électrique, pour ne pas risquer la confusion avec le célèbre mammifère marin du même nom, est un excellent moyen d'accroître sa coordination. Plusieurs styles de jeu sont accessibles aux communs des mortels. 1. Les hanches collées à l'appareil. 2. Le pelvis furieusement en contrôleur tout contre. 3. Sans autre contact avec la bête que l'extrémité des index, la clope au bec, aucun risque de tilter, mais n'en point prendre le risque, n'est-ce pas renoncer à une part de liberté ?